Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Ozoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. À la une ce soir, la condamnation de Nicolas Sarkozy. L'ancien président français écope d'une peine de 3 ans de prison, dont 1 an ferme, pour corruption et trafic d'influence. Il annonce qu'il va faire appel. La crise en Arménie. Le Premier ministre Nicole Pachinian se dit prêt à des élections législatives anticipées. Sa démission est réclamée par l'opposition. Et puis la pandémie de coronavirus. Reportage dans cette édition au Japon, où la population est invitée à ne pas parler dans les magasins et les restaurants pour éviter une propagation du virus. Une consigne qui est suivie de près par les Japonais.